ma vie, je t'appelle mon roi. Tu es une aide qui n'est pas semblable à l'homme. Tu es une aide qui est supérieure à l'homme. Voilà pourquoi lorsque la maladie affaiblit mon corps, ton esprit qui est si bien disposé me relève. Sois loué, sois béni, Jésus-Christ. Tu es ma raison de vivre.